Exercice 4. Salut Guillaume, ça va ? Ah, salut Nicolas. Oui, ça va bien. Et toi ? Je suis un peu fatigué en ce moment, mais ça va. Finalement, tu es allé au cinéma hier pour voir le film policier ? Ah non, je n'ai pas eu le temps. Hier, ma sœur est venue manger à la maison. Pourquoi ? Tu veux venir le voir avec moi ? Je pense aller le voir mercredi. Non, c'était juste pour savoir. En fait, mercredi, je ne suis pas disponible. Je vais à la piscine. Mais de toute façon, je préfère les comédies. J'aime bien aller au cinéma pour rire et passer un bon moment. Ah, mais si tu veux, on pourrait aller voir une comédie. D'accord. Est-ce que tu es libre jeudi ? Jeudi, oui. On peut se retrouver à 19h dans le centre commercial, si tu veux. Oui, c'est bon pour moi.